tout est bon gros. J'y vais à fond pour les pesos. Gangsta, Franck Lucas. J'ai la mentalité d'en bas mon bébé. Calme et tout est bon. Elle a senti mes yébis. Senti mes bonnes. C'est violent depuis le berceau. Elle fait la mise, moi je sais qu'elle a torse. Je navigue que sur le piano de Katrina. Je suis petit, tu grimpes dans la caisse comme une traînée. Je vends la cam comme Papa Noël sur son traîneau. Tu sens que ta vie tombe à l'eau, là c'est relou. Moi et tes chants dont j'ai fini par me noyer. T'as tout niqué, t'as mis en perte le rinté. Mais j'ai mis une calme et tout est bon. Bébé, je dois m'en aller. J'suis bon qu'à inhaler. J'y vais à fond. T'as senti mon pognon. On sait ce qu'on fait. Je veux le monde dans mes mains. Me casse pas les couilles, j'ai pas bêta. On traîne en bas, ça sent la bœuf. Ben c'est normal. Sur le coin de rue, toi tu sais déjà qui domine. J'suis bon qu'à fumer cette dope. Faut compter sur ma go. Tu fais confiance à qui maintenant? Bébé, je dois m'en aller. J'suis bon qu'à inhaler. J'y vais à fond. J'ai mon pognon. Calme, tout est bon. Tout est bon. Calme, tout est bon. Tout est bon. Calme, tout est bon. Tout est bon. Calme, tout est bon. Calme, tout est bon. La sacoche remplie à minuit. Calme, tout est bon. Ma bitch me parle pas de sentiments.